Chapitre 14e, la jeune fille en gris. On se doute que Delbon interrogea vainement son domestique sur les motifs de son absence. Malgré que l'ingénieur fût allé jusqu'au village pour se procurer un paquet de tabac, il trouva son retour la maison aussi solitaire qu'à son départ, et dans la tranquillité de son studio, il dut attendre une bonne demi-heure avant d'être assuré par un fracas de casseroles dégringolantes que la cuisine était réoccupée. Il appela aussitôt Bernard. Celui-ci apparut tenant d'une main une étincelante bouilloire et de l'autre un chiffon enduit de pâte à faire reluire les cuivres. Il s'excusa. « Que monsieur me pardonne de l'avoir fait attendre, mais il en est du derrière d'une marmite comme d'un visage d'enfant. Il n'est appétissant que si on ne lui épargne pas les coups de torchon. » Delbon le prit sur un ton de blague. « Je te le pardonne, Marot. Toutefois, je te pardonne moins d'être absent lorsque j'ai besoin de toi pour me quérir du tabac. Je le regrette d'autant, monsieur, que je me suis rendu au bourg pour m'y assurer d'une volaille que je comptais apprêter pour le dîner de monsieur. Un poulet aux truffes, monsieur. Voilà qui remplit de regrets les morts d'avoir quitté la compagnie des vivants. Une volaille sans truffes, monsieur, c'est comme une péronnelle sans poitrine. C'est d'un plat. Ah, tu reviens du bourg. Il est vraiment curieux que je ne t'ai pas rencontré. » Le domestique ne se démonta point. Au premier abord, cela paraît surprenant. Si tous les chemins mènent à Rome, il n'en est qu'un qui mène à Maubuisson. Cependant, si l'on y réfléchit, cela n'a rien d'extraordinaire. J'ai pris le chemin de traverse jusqu'à la ferme des Le Courbu, où ils font de l'élevage. Delbon coupa court à ce verbiage, il monologuait intérieurement. « Compte des boniments, mon ami, peu importe, car je n'en suis plus dupe. La lutte, dans les ténèbres, avec des ennemis masqués, ne m'effraie pas toujours, mais me répugne et par conséquent m'handicape, tandis que la lutte, en plein jour, à visage découvert, me surexcite et m'amuse. Tape à bord. » Tape à bord, il se pourrait bien que je relevasse les bords de la coiffure dont tu portes le nom pour te cracher au visage. À nous deux. Pendant la nuit, il gela et le lendemain, le ciel resplendissait. Delbon, plus que jamais d'humeur combative, se décida à pousser une pointe jusqu'au village. Peut-être aurait-il la chance de se trouver face à face avec le notaire. Non point qu'il songeât à l'aborder par une sorte de belliqueux. À moi compte, deux mots. Non, cette façon d'engager la discussion, assez semblable à un liement d'épée, ne se rencontre plus que dans les drames castillans et cornéliens plutôt démodés. Il se proposait d'essayer d'une petite comédie dont il réussirait peut-être à tirer des conclusions utiles. N'avait-il pas cet avantage de lire dans le jeu d'un adversaire qu'il en croyait parfaitement ignorant? Ainsi qu'il arrive souvent, les circonstances malicieuses dérangèrent ses plans bien réglés. Il allait prendre à droite, sur la route, quand une joyeuse rumeur lui fit soudain tourner la tête. De l'école libre, un convoi de pensionnaires s'évadait. S'évadait, le mot est trop fort. La prison ouvrait ses portes aux écolières pour les vacances de Noël. Il s'arrêta et les regarda passer. Aucune ne parut s'apercevoir de sa présence. Les cils baissés sont d'une si grande ressource. Sans doute se rendait-elle à la gare. Était-elle heureuse? Avec quelle allégresse balançait-elle leur bagage à main? Des jours de liberté s'offraient à l'infini, car la jeunesse, peu prévoyante, ce qui est sa force, n'admet pas que le bonheur se conclut. Ne disait-elle pas adieu, pour toujours, aux salles de classe qui suivent l'ennui, avec leurs bancs symétriques, leurs cartes de l'ancien et du nouveau continent, et aux salles d'études, surchauffées ou glaciales, dont le poil, qui est horreur du juste milieu, rougit à blanc ses rondelles, ou se refuse à témoigner de sa vitalité autrement que par une fumée noire échappée du cornet mal ajusté. On portait encore la robe et le corsage sévère d'uniforme. On se tirait encore les cheveux sur le front, comme pour en arracher la peau. Mais demain, ah, demain, on rangerait les effets triqués dans l'armoire. On se vêtirait d'étoffes claires. On ondulerait les chasses de bandeaux. On se risquerait même à l'apprentissage du fer à friser, peut-être. Les aînés attireraient-elles l'attention du grand cousin, du Saint-Cyrien, qui profiterait de la liberté du réveillon pour... Mais où était donc Perrette Limose? L'écartait-on de ses compagnes, comme une brebis galeuse, ou, plus vraisemblablement, les avait-elles devancées pour se rendre plus vite à la gare, dont l'emporterait bientôt le train qui la libérerait définitivement? Définitivement. Un peu triste, Delbon emboîta le pas au pépiant convoi. Le petit chaperon rouge avait-il donc apprivoisé le loup? Tout à coup, il entendit derrière lui un bruit de semelles pressées. On l'atteignait, on s'imposait. « Vous allez aussi à la gare? Tant mieux, nous ferons route ensemble. » Le survenant était le Claude, l'instituteur. Il portait un costume beige d'excursion à carreaux, un chapeau tyrolien à plumes de coq, une canne à pointe ferrée et des bandes molletières paraissait réduire encore le volume de ses maigres jambes de héron. Il annonça comme une nouvelle d'importance « Nous avons eu la visite d'un Parisien, d'un vrai, d'un Parisien de Paris, Fortunate et Senex. Un homme de goût, que dit-on, les prestiges de l'art ne laissent pas indifférent. Il a présenté ses hommages à Madame Leroy, à Mademoiselle Alix. Il a même daigné s'informer des progrès que faisaient mes élèves sous ma férule. Il a certainement dû aller vous voir. » Delbon avait parfaitement compris de qui il s'agissait. Néanmoins, il questionna, agacé, « Qui est-ce ?» Le Claude arrondit les lèvres. « Vous ne savez pas. Maître Tapabor, le distingué jurisconsulte et l'esthète de valeur. » « Oh, l'esthète !» ne put s'empêcher de protester Delbon, souriant. Le Claude piqué repartit. « Mais certainement, il a lu mes vers dans la revue Zéphyr et les a appréciés. D'ailleurs, Mademoiselle Alix est de mon avis et elle n'est pas la seule. » Ils arrivaient à la gare avec les désœuvrés locaux qui venaient assister au passage du train. Ils entrèrent. À l'unique guichet, un employé délivrait de mauvaise grâce des tickets. L'homme d'équipe pesait une lourde malle avec une sage et philosophique lenteur. Une mioche grognait que l'on avait obligé de jeter sa tartine de pain dans la poussière. Ils passèrent sur le trottoir. Ce fut alors que l'ingénieur aperçut Maître Tapabor. Le tabellion pérorait au milieu d'un groupe entre deux hautes pyramides de cages de volaille. Saisissant cette occasion de lâcher l'instituteur, Henri fut au notaire, le salua. « Vous ici, quelle bonne surprise !»« Vous m'envoyez surpris moi-même, » répondit le tabellion. « Une panne d'auto, un arrêt obligatoire à Maubuisson et, désagréable conséquence, une nuit blanche dans une chambre d'hôtel plus confortable, 48 heures de perdu, en somme. » Il se reprit gracieusement. « Perdu, non, je me trompe. Je vous ai montré le revers de la médaille. En voici l'avers. » Ce petit accident m'a permis de rencontrer de vieilles connaissances. Au fait, que je vous présente, M. Delbon, M. Charboire de Malines, M. Lefranc de Pont-le-Voy. Mais Delbon fut très vite distrait de la conversation banale qui s'engagea incontinent. De la salle d'attente, en effet, sortait Mademoiselle Limoz, le petit chaperon rouge, oui, mais transformé et assagi avec quelque chose de grave dont il n'était pas coutumier. Cette métamorphose tenait-elle le costume tailleur d'un gris sombre qu'elle portait ce matin-là? S'expliquait-elle par le chagrin qui accompagne généralement toute séparation prolongée des lieux où l'on a vécu longtemps? Sans approfondir ces questions, Delbon éprouva le désir impérieux de s'entretenir une dernière fois avec Perrette. Mais il fallut que Tapabor se jetât inconsciemment ou non à travers ce dessin louable. Voilà qu'il disait, semblait-il avec une pointe d'ironie, « Quand nous nous rencontrons, mon cher, c'est tout au moins toujours pour moi une véritable bonne fortune. Ces messieurs qui sont chasseurs enragés devant l'Éternel, mais qui connaissent mal la région, s'informaient de la qualité des garennes. Vous devez avoir des clartés sur la question. Aussi, je vous prierai de les renseigner de votre mieux, pendant que je remplirai un devoir de politesse. » Sur quoi, chapeau bas, souriant, il se dirigea vers Perrette. Dans son vif dépit, l'ingénieur le compara à une grosse limace qui rend vert une fleur adorable. Il ne perdit pas de vue le couple disparate, tandis qu'il tâchait de convaincre ses interlocuteurs, Béa, qu'il était totalement impossible de les renseigner avec la précision voulue. Autant qu'il pouvait s'en rendre compte par les mimiques et par les gestes, Tapabor devait adresser une requête que l'on déclinait. Opinâtrement, le notaire revenait alors à la charge. Il sembla même qu'il appela la rescousse de jeunes femmes de sa bande qu'il rejoignirent un moment. Ses auxiliaires déployèrent leurs ressources avec ses chatteries contre elles les filles d'Ève, éloquence perdue. La décision du petit chaperon rouge était sans doute inébranlable, car soudain Tapabor s'enfuit avec un salut un peu bref et s'éloigna, abandonnant, il y paraissait, la partie.